إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc, on commence le cours 20 aujourd'hui dans l'explication du résumé de Sharh Kitab al-Tawhid. C'est un résumé du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc, on est aujourd'hui au chapitre numéro 15. Et le chapitre numéro 15, c'est un chapitre au sujet des versets qui montrent la fausseté du shirk et la fausseté de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les mushrikin. Donc, le chapitre, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne lui a pas donné un titre spécifique. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne lui a pas donné un titre spécifique. Ça fait partie des chapitres qu'il débute par des versets. Hein? Et on comprend le chapitre, en fait, par rapport aux versets qu'il mentionne. Et comme on va voir dans les paroles du Cheikh Al-Fawzan, ça concerne les preuves de la fausseté du shirk. Donc le Cheikh, il commence par le verset suivant. وقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. C'est le verset 191 et 192 dans Surat Al-A'raf, qui signifie: est-ce qu'ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni créer rien, ce qui ne peut rien créer et qui sont eux-mêmes créés? Est-ce qu'ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils commettent le shirk en associant avec Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ne peuvent rien créer et qui sont eux-mêmes créés et qui ne sont pas capables de les secourir et qui ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes? Donc ça, c'est des exemples et des arguments pour montrer la fausseté de ce que les gens qui font le shirk adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit: munasabatul babu li kitab al-tawhid أن المصنف رحمه الله بيّن فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعون من دون الله، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. Donc la raison pour laquelle on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est pour l'auteur veut montrer et clarifier les preuves qui montrent la fausseté du shirk et expliquer en même temps l'état des gens qui invoquent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt l'état de ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'état de ceux qu'on invoque en dehors d'Allah lorsque les gens qui adorent par exemple des idoles ou des saints ou des tombes ou des morts ou des prophètes ou des messagers ou bien des anges ou bien des djinns. Donc c'est pour montrer en fait que toutes ces créatures là que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien leur adoration est fausse et qu'ils ne méritent rien de l'adoration, et que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont aucun pouvoir, ne peuvent rien créer et ne sont capables de rien faire pour eux, donc il n'y a aucune raison de les adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est dans le but de confirmer le tawhid avec des preuves tranchantes. Et le cheikh il dit par la suite, en expliquant les différents termes qui sont utilisés dans ce verset, ayushrikun, yani istifham ou inkar wa tawbih ala man yushriku fil ibadati ma Allah ma la yakhluqu shay'an ay makhluqat la taqdiru ala al khalq wa laysa laha ma tastahiq wa laysa fiha ma tastahiq fi ma tastahiq bihi al ibada wa hum yukhlaqun أي هؤلاء المعبودون مخلوقون ومحدثون والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. Donc est-ce qu'ils associent, ça c'est dans le but de blâmer, c'est une question que Allah subhanahu wa ta'ala pose dans le but de condamner et de réprimander et de condamner la personne qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ce qui ne peut rien créer, c'est-à-dire elles sont elles-mêmes des créatures. Elles sont elles-mêmes des créatures qui n'ont pas la capacité de créer et qui ne méritent rien, qui n'ont rien en elles-mêmes qui ferait qu'elles pourraient mériter quoi que ce soit de l'adoration. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, c'est-à-dire que ce sont des choses que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont elles-mêmes créées et fabriquées. Les gens les ont eux-mêmes, soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ou bien que ce soit des choses que les créatures ont fabriquées avec leurs propres mains, parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc, elles sont des créatures elles-mêmes, et elles ne peuvent donc pas être des partenaires au Créateur. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا أي هَؤُلَاءِ الْمَعْبُدُونَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى نَصْرِ عَبِدِهِمْ ولا أنفسهم ينصرون أي لا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا فكيف يدفعونه عن غيرهم. Et ils ne sont pas capables de les secourir, c'est-à-dire ces choses-là qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas la capacité de secourir ceux qui les adorent, n'ont pas la capacité de venir au secours de ceux qui les adorent, et ils ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne sont même pas capables de repousser d'eux-mêmes un mal quelconque lorsqu'un mal les atteint. Alors comment pourraient-ils repousser ce mal de quelqu'un d'autre ou des personnes qui les invoquent? Donc ça c'est des arguments contre le shirk que ces gens-là sont en train de commettre pour prouver la fausseté de ce qu'ils adorent. Le cheikh il dit ensuite المعنى الإجمالي للآية يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة به ولا تدفع الضر عمن دعاها بل لا تدفعه عن أنفسها وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. Donc le cheikh il répète le sens général du verset dans le pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de blâmer et de réprimander les mushrikines qui adorent des choses qui ne peuvent rien créer mais qui sont elles-mêmes créées, qui ne méritent rien de l'adoration et qui ne peuvent même pas repousser d'eux-mêmes un mal, ne peuvent rien repousser même pour eux-mêmes, donc ils peuvent encore moins repousser un mal pour ceux qui les invoquent et qui leur demandent quelque chose. Et si c'est ça l'état de ces idoles ou l'état de ces choses qui sont adorées ou invoquées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas elle ne mérite pas d'être adorée. Et le cheikh il dit parce que la créature ne peut pas être un partenaire du créateur, et une créature qui est impuissante ne peut pas être partenaire de celui qui est le Tout-Puissant, hein, celui que rien ne peut ramener à l'impuissance. Donc ça c'est la réalité de l'état de ce qui est adoré ou invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh il dit « Ma yustafadu min al-aya » ما يستفاد من الآية أولا بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز. Donc premièrement, il y a dans ce verset la preuve de la fausseté du shirk à partir de son fondement, dans le sens que dans le shirk il y a le fait de s'accrocher à une créature faible et impuissante. Deuxièmement, ثانياً أن الخالق هو المستحق للعبادة. Deuxièmement, c'est que le créateur, c'est lui seul qui mérite l'adoration. ثالثا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. Et donc, c'est-à-dire le troisième point, le fait que dans ce verset on voit que يعني, Allah subhanahu wa ta'ala utilise les arguments de توحيد الربوبية pour justifier, pour prouver Tawhid al-Uluhiyya. Rabi'an, mashru'iyyatu muhajjati al-mushrikina li nasr al-haqqi wa qam' al-batil. Le quatrième point, c'est le fait qu'il est légiféré, qu'il est ordonné d'argumenter contre les mushrikines dans le but de donner la victoire à la vérité et d'écraser le faux et de réfuter qu'est-ce qui est faux. Donc on voit dans ces versets-là des arguments, contre les mouchriquines par rapport au shirk qu'ils font. Naam. Ensuite, le cheikh il mentionne le deuxième verset dans ce chapitre. Il dit wa qawluhu ta'ala wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des arguments très forts contre les mushrikines et le shirk qu'ils commettent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qu'est-ce qui signifie, dans Surat Fatir, le verset 13 et 14, et ceux que vous invoquez, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux mushrikines, il dit, ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne possèdent même pas la pellicule qui enveloppe le noyau de la date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. Voilà, il n'y a pas de camis de khabir, et nul ne peut t'informer comme celui qui est parfaitement informé. Le cheikh donc il explique, il dit en expliquant ces versets là, والذين تدعون من دونه أي الذين تدعون غير الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرهم أو غيرها لا يملكون من قتمير. لا يملكون من قطمير يعني القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. Donc ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire ceux que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les anges, les prophètes, les idoles et autres, لا يملكون من قطمير, ils ne possèdent même pas l'enveloppe qui recouvre le noyau de la date. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation parce qu'ils sont morts ou bien parce qu'ils sont des anges occupés à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à faire, c'est-à-dire ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. نعم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما استجابوا لكم لا يقدرون على ما تطلبون منهم ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله. Donc le cheikh il dit que ils ne vont pas vous si vous les mastajabu lakum si vous les invoquez ils ne vont pas vous exaucer ils vont pas vous répondre parce qu'ils ne sont pas capables de vous donner ce que vous recherchez d'eux. Et au jour de la résurrection, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. C'est-à-dire, ils vont rejeter ce shirk et ils vont se désavouer de ceux qui faisaient le shirk avec Allah, avec eux, yani, qui les associaient avec Allah subhanahu wa ta'ala en fait. Ils vont se désavouer de ceux qui commettaient le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en les invoquant avec Allah subhanahu wa ta'ala. يكفرون بشرككم ولا ينبئك يخبرك بعواقب الأمور ومآلها مثل خبير عالم بما عالم بها وهو الله سبحانه وتعالى ولا ينبئك c'est-à-dire personne ne va pouvoir t'informer des conséquences des affaires et des conclusions des choses comme celui qui est parfaitement informé c'est-à-dire celui qui les connaît parfaitement, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. والمعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي ملك ما طلب منه وسماع الدعاء والقدرة على استجابته فمتى عدم شرط بطل أو بطل أن يكون مدعوا فكيف إذا عدمت كلها. Donc le cheikh il mentionne que dans le sens général de ce verset il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'état des choses que les gens invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les anges, parmi les prophètes, parmi les idoles et autres, et des choses qui indiquent leur faiblesse et leur incapacité à faire quoi que ce soit. Et il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là, il a nié toutes les conditions qui sont nécessaires à celui qui est invoqué pour qu'il soit invoqué. C'est-à-dire qu'il a nié le fait qu'il a nié la possession, le fait que ces gens-là possèdent quoi que ce soit. Donc, premièrement, ils ne possèdent pas ce qu'on leur demande. Si on les invoque, ils ne possèdent pas ce qu'on leur demande. Ils ne sont pas capables de nous le donner puisqu'ils ne le possèdent pas. Deuxièmement, ils ne peuvent pas entendre l'invocation. Donc ça c'est le deuxième point. Et troisième point, ils n'ont pas la capacité non plus d'exaucer les personnes, d'exaucer la personne qui les invoque. Donc ils ne possèdent rien, ils n'entendent rien et ils n'ont pas la capacité d'exaucer les personnes qui les invoquent. Donc le cheikh dit que si une de ces conditions là n'est pas présente, alors l'invocation de cette chose, elle est fausse, elle est non fondée. Alors que dire dans le cas d'une chose dans laquelle toutes ces conditions-là ensemble sont absentes? C'est-à-dire si en manque une de ces trois, l'adoration qu'on offre à cette chose ou l'invocation qu'on lui fait, elle est fausse. Alors que dire des choses qui sont adorées en dehors d'Allah alors qu'elles n'ont aucune de ces trois-là parmi les trois conditions? Donc c'est encore plus faux de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul ayati lil bab. Munasabatul ayati lil bab. أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين Ok. Donc l'occasion de d'avoir mentionné pour quelle raison on mentionne ce verset dans ce chapitre. Le Cheikh il dit أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين. Parce qu'il y a dans ce verset la preuve qui est claire et évidente et tranchante au sujet de la fausseté du shirk et la réfutation des mushrikin. وما يستفاد من الآية بطلان الشرك أولا بطلان الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح. Donc il y a la fausseté du shirk et la preuve tranchante, comme on a dit tout à l'heure, et les preuves évidentes et claires de la fausseté du shirk. Thaniyan, bayan al-shurut allati yajib tawafuruha fil mad'u al-mustaghathu bihi wa hiya alif mulkuhu lima tuliba minhu ba sama'uhu li du'a'i man da'ahu wa jim Al-Qudra ala ijabatihi. Donc, le Cheikh il mentionne et clarifie que dans ce verset, on mentionne les conditions qui doivent être présentes chez dans la chose qu'on invoque, et dans la chose ou dans la personne qu'on appelle au secours. C'est-à-dire, premièrement, il faut qu'elle possède ce qu'on lui demande. Il faut que ce soit sa propriété, il faut que ça lui appartienne. Deuxièmement, il faut qu'elle entende l'invocation de celui qui l'invoque. Et troisièmement, il faut qu'elle ait la capacité d'exaucer cette personne. Et bien entendu, ces conditions-là sont absentes chez les choses que les mushrikines invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce qu'elles sont, que ce soit des prophètes ou des anges ou des saints ou des djinns, ou des morts, ou des tombes, ainsi de suite, ou des idoles, donc toutes ces choses-là ne méritent pas d'être invoquées ou adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, anna al-aqidata mabnaha ala al-burhan wal-yaqin, la ala al-dhan wal-takharrus wal-taqlid al-a'ma. Donc, le Cheikh explique que dans ce verset, on a la preuve que la aqida, elle doit être basée sur les preuves claires et la certitude, et non pas sur les suppositions et les doutes et le fait de suivre aveuglément les coutumes et les choses de ce genre. Ensuite, le Cheikh il dit ithbatu ilmi Allah bi awaqib al-umur. Quatrièmement, le fait qu'on affirme la science complète d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des conclusions et des résultats, des conséquences des choses. Ensuite, le Cheikh il dit wa fi sahih an Anas. Donc ça c'est un hadith qui est mentionné dans ce chapitre. C'est un hadith qui est mentionné dans ce chapitre. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, et également dans le Sahih de l'imam Muslim, il est rapporté également. Et il est rapporté selon Anas, radiallahu anhu. C'est un hadith qui mentionne que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud, c'est-à-dire de la bataille de Uhud, on a brisé deux de ses dents. On a brisé deux de ses dents. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment un peuple pourrait-il avoir le succès lorsqu'ils ont blessé leur prophète? Comment un peuple qui a blessé leur prophète pourrait-il avoir le succès? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre à ce sujet-là le verset 128 dans Sourate Al-Imran, c'est-à-dire le verset qui dit « Laysa laka min al-amri shay », c'est-à-dire « Tu n'as rien dans cette affaire, tu n'as aucune décision dans cette affaire ». Le Cheikh explique, le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit « Fi al-sahih ay fi al-sahihayn », c'est-à-dire cette parole est rapportée dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim. Yani, et shudja, yani al-shudja, al-jarh fi al-ra's, wal-wajh khassatan. Donc, al-shudja, c'est une blessure qui est faite sur la tête ou sur le visage en particulier. Donc, on emploie ce terme-là pour ce genre de blessure sur la tête ou sur le visage. Le jour de Uhud, c'est-à-dire Jabalun Ma'ruf, Uhud Jabalun Ma'ruf, Shamal al-Madina, كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه. Donc la Uhud, c'est une montagne qui est au nord de Médine. C'est une montagne immense. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a eu la bataille qui est très célèbre, la bataille de Uhud, et c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle de cette manière-là. On appelle la bataille de Uhud parce que la bataille s'est passée près de cet endroit. Ruba'iyatuhu. Kussirat ruba'iyatuhu. As-sin allati ba'da al-thaniya. Wal-insan lahu arba'u ruba'iyat. On appelle les ruba'iyat, c'est les donc ruba'iyat, c'est que bon, on a deux dents au milieu, les deux palettes qu'on appelle en avant, et à gauche et à droite de ces deux palettes il y a deux dents, les deux dents qui suivent les deux palettes du milieu, hein, c'est les quatrièmes si on veut, c'est-à-dire les deux en haut qui sont à côté des deux palettes et en bas. On appelle ça les ruba'iyah. Et donc, il y en a quatre en tout. Et deux de ces dents-là ont été cassées parmi les dents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum » Comment un peuple qui a blessé son prophète pourrait-il avoir le succès? Et كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم? Donc comment pourrait-il avoir le succès, hein, et le bonheur alors qu'ils font cela à leur prophète? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé à ce sujet-là, ليس لك من الأمر شيء من الحكم في العباد, c'est-à-dire c'est pas toi qui auras de décision sur les serviteurs par rapport à ces choses-là. Hein? La décision ne te revient pas dans ces choses-là par rapport au bonheur des hommes ou au succès des hommes. Et le cheikh il explique le sens général de ce verset ou de ce hadith. المعنى الإجمالي للحديث يخبر أنس عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين من جسده الشريف, فكأنه صلى الله عليه وسلم لحقه يأس من فلاح كفار قريش, فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء, أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله, فامضي أنت لشأنك ودم على دعوتك. Donc le cheikh il explique le sens général du hadith, c'est-à-dire que Anas il nous informe de qu'est-ce qui est arrivé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Uhud comme épreuve et comme test, hein, de la part des mouchriquins, de ses ennemis, du fait qu'il a été frappé à deux endroits de son corps. Il a été blessé à deux endroits de son corps. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là a été atteint d'un certain désespoir face au succès, par rapport au succès des Kuffar de Quraysh. Hein, c'est comme s'il perdait l'espoir face au succès de Quraysh, c'est-à-dire au fait qu'il soit guidé à cause de ça. Donc, et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 128 dans Surat Ali Imran, en fait pour dire en fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as rien tu n'as pas de décision dans cette affaire, c'est-à-dire c'est pas toi qui va décider dans la guidance des hommes et dans le résultat ou dans les conséquences des choses. Le jugement ou la décision par rapport au serviteur, elle est entre les mains d'Allah seulement. Alors toi continue dans ton affaire et reste sur ta da'wah, reste ferme sur ta da'wah et continue dans ta da'wah. Et ne te préoccupe pas, ne te préoccupe pas du sort des hommes ou des créatures, dans le sens que c'est pas toi qui vas décider s'ils seront guidés ou non, ou s'ils auront le succès ou non. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ces choses-là. Ton devoir et ton rôle, c'est de transmettre le message. Et le cheikh, il explique, il dit, وَمُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ الشِّرْكِ بِالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ الضُّرْ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ فَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Il dit, le cheikh, pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre? Eh bien, le cheikh, il explique qu'il y a dedans la preuve de la fausseté du shirk que les gens font avec les awliyas et les hommes pieux. Puisque on voit que dans ce hadith, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu repousser de lui-même le mal qu'il a atteint. Il n'est pas capable de se protéger lui-même contre un mal qui l'a atteint. Et ça, c'est la preuve que si lui-même, il ne peut pas le faire, s'il ne peut pas le faire pour lui-même, alors il ne peut pas le faire pour les autres. S'il ne peut pas se protéger contre le mal pour lui-même, alors il peut encore moins le faire pour les autres. Et qu'il n'a rien de la décision dans ces affaires-là, c'est-à-dire dans la guidance, et dans le succès des hommes, par rapport à la guidance ou à l'égarement ou au fait de rentrer au paradis ou en enfer. Donc si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a aucune décision dans cette affaire, alors toute autre personne qui est en dessous de lui, parmi les hommes pieux et les hommes saints ou les salihin et les awliya, alors eux, ils ont encore moins de décision dans l'affaire. Et ça, c'est une bonne manière de réfuter les mushrikines parmi les soufiyines et les autres égarés qui invoquent les morts et les saints et les tombes et qui leur demandent des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien de l'affaire, aucune décision dans l'affaire. Alors si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est encore plus le cas pour ces créatures-là et ces hommes pieux-là, puisqu'ils sont moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont moins importants, ils ont moins de degrés vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit « وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ » Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith ?« أَوَّلًا بُطْلَانُ الشِّرْكِ » بطلان الشرك بالأولياء والصالحين لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء فغيره من باب أولى. On peut tirer dans ce hadith, premièrement, la fausseté du shirk dans le fait d'invoquer les awliya et les salihin, puisque le prophète صلى الله عليه وسلم ne possède rien dans la décision dans ces affaires-là, ne décide rien dans quoi que ce soit de ces choses-là. La yamliku min al-amri shay. il ne détient aucune décision dans ça. Alors, toute autre personne que lui, eh bien, il ne détient encore moins de quelque chose dans cette décision-là et dans ces affaires-là. Deuxièmement, ثانياً وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Deuxièmement, le fait que la maladie et les épreuves peuvent atteindre les prophètes, les prophètes d'Allah عليهم الصلاة والسلام. Et c'est la preuve que ce sont des créatures et qu'on n'a pas le droit de les associer à Allah سبحانه وتعالى dans l'adoration. ثالثاً وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده. L'obligation de rendre notre adoration pure pour Allah seul, parce que c'est lui seul qui détient le commandement et l'ordre et la décision dans ses affaires. رابعا مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله. Cheikh il dit l'obligation, plutôt le fait qu'il est légiféré et ordonné par Allah de faire preuve de patience et d'endurance et de supporter les offenses et les difficultés et le mal qui nous arrive sur le chemin de la da'wah lorsqu'on invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point numéro 5, An-nahyu anil ya'si min rahmatillah. ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك. Le point numéro 5, c'est que il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si un homme a fait ce qu'il a fait comme péché, du moment que ce péché-là est moindre que le shirk, il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne. Un autre hadith que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné par la suite à propos de ce, dans ce chapitre, c'est il dit wa fihi an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'ati al-akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa ba'da ma yaqul بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. C'est-à-dire qu'il y a également, on a également rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, et qu'est-ce qu'on veut dire ici en particulier, c'est dans Sahih Muslim, on a rapporté également, selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui relevait sa tête, après le recours. Donc Ibn Umar, radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est relevé du recours dans la dernière rak'a de la prière de Fajr. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant ô Allah, maudit un tel et un tel, après avoir dit en se relevant du recours sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 128 dans Surat Al-Imran, Laysa laka min al-amri shay, c'est-à-dire, tu n'as rien à décider dans cette chose. C'est pas à toi de décider quoi que ce soit dans la malédiction des gens ou dans la guidance des gens ou l'égarement, ainsi de suite. Dans une autre narration, il est mentionné qu'il invoquait contre Safwan ibn Umayya et Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce verset, le verset 128, dans Surat Al-Imran par la suite, qui dit, tu n'as aucune décision dans cette affaire. Donc le cheikh il explique, il dit Ibn Omar wa huwa Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma sahabiyul jalil min ubad as-sahaba wa ulama'ihim mata sanata 73 hijriyan. C'est-à-dire Ibn Omar, son nom c'est Abdullah Ibn Omar, c'est-à-dire le fils de Omar Ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, c'est un noble sahabi, hein, parmi les adorateurs, parmi les sahaba, et un d'entre les savants parmi les sahaba. Et il est décédé en l'an 73 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également dans, donc il dit wa fihi, c'est-à-dire c'est dans as-sahih, dans sahih al-Bukhari. Il dit وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد اللهم العن أي أطرد وأبعد عن رحمتك فلانا وفلانا منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام. C'est-à-dire qu'il a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم après que deux de ses dents ont été cassées le jour de Uhud. Il invoquait après le recours oh Allah, maudit un tel, c'est-à-dire éloigne-le et chasse-le de ta miséricorde, un tel et un tel. Parmi eux il y avait ceux qu'on a mentionnés, Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Après avoir dit Sami Allahu liman hamida, c'est-à-dire quand il se relève du recours, et Sami Allahu liman hamida, yani il dit ajab Allahu an hamdahu, ajab Allahu man hamidahu wa taqabbalahu li'annahu qad udiya billam. Sami Allahu liman hamida, c'est-à-dire Allah a exaucé celui qui l'a glorifié et il a accepté de lui. الحمد ضد الذم يكون على محاسن المحمود مع المحبة له. Donc الحمد c'est le contraire, الحمد c'est la glorification, c'est-à-dire le contraire de la du, le contraire du blâme, le contraire du blâme. Et c'est dans le fait de mentionner les belles choses et les bonnes qualités, alors avec l'amour de la chose ou de la personne que tu mentionnes. Donc tu mentionnes les qualités et les bonnes et les belles choses. يدعو على صفوان الى اخره لانهم رؤوس المشركين يوم احد وقد تاب الله عليهم فاسلموا وحسن اسلامهم. Donc il invoquait la malédiction d'Allah. Il invoquait la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala contre certains individus, parmi eux ceux qu'on a mentionnés, Safwan ibn Umayyah et également Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Et le Cheikh il dit que ceux-là c'étaient les têtes des mushrikines dans la bataille de Uhud. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la repentance de ces hommes, de ces trois-là, et ils se sont convertis à l'islam par la suite. Et ils sont devenus de bons musulmans. Donc, ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien de la décision par rapport à ces affaires-là. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, qui il veut, hein, et qui décide dans ces choses-là. Donc, le Cheikh il dit Al-Ma'n al-Ijmali lil-Hadith, Yukhbiru Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار آذوه يوم أحد فعاتبه الله بقوله ليس لك من الأمر شيء وتاب الله عليهم فآمنوا بالله ورسوله. Donc le sens général de ce hadith, c'est que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu ou anhuma, il nous informe qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire des invocations durant sa prière contre certains individus en particulier, des individus spécifiques d'entre les kuffars qui lui ont fait du tort le jour de Uhud, et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait des reproches, lui a fait un reproche à ce sujet en lui disant laysa laka min al-amri shay, c'est-à-dire tu n'as rien de la décision à ce sujet, hein, les décisions dans cette affaire, hein, tu n'as aucune décision dans cette affaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la repentance de ceux contre qui il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala la malédiction, et ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager par la suite. Wa munasabatu al-hadith lil bab anna fihi bayan anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yaqdir an yadfa'a adha al-mushrikeen an nafsihi wala an ashabihi بل لجأ إلى ربه القادر المالك مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. Donc, on voit que dans ce hadith, pourquoi on l'a mis dans ce chapitre, c'est qu'il y a la clarification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été capable de repousser l'offense et le mal des mushrikines de sa personne, et de repousser le mal des mushrikines contre de ses sahaba également. Bien au contraire, il s'est retourné vers son Seigneur, le Tout-Puissant et le Maître. Et ça, c'est ce qui indique la fausseté de ce que croient les adorateurs des tombes au sujet des saints et des hommes pieux, puisqu'ils s'imaginent que les saints et les hommes pieux ont un pouvoir de repousser le mal et de faire venir le bien sur les hommes. Et donc ça, c'est la preuve qu'ils ont tort et qu'ils sont dans l'erreur. Non. Donc le cheikh, il explique pour terminer, donc qu'est-ce qu'on peut tirer donc de ce hadith. ما يستفاد من الحديث ما يستفاد من الحديث أولا بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. C'est-à-dire la fausseté de s'accrocher aux saints et aux hommes pieux dans le but de leur demander de résoudre nos besoins et de nous délivrer des détresses ou des difficultés ou des malheurs qui nous atteignent. ثانيا جواز الدعاء على المشركين في الصلاة. Donc deuxièmement, le fait qu'il est légiféré, qu'il est permis d'invoquer contre les mushrikines dans la salat, dans la prière. ثالثا دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة. Troisième point, la preuve que le fait de mentionner le nom d'un individu, si on fait un dua pour lui ou contre lui, que cela ne nuit pas à la salat. Le fait de mentionner son nom dans la salat ne nuit pas à la salat. Quatrièmement, rabi'an, التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتمحيد. La preuve que la preuve explicite, la mention explicite dans ce hadith que l'imam il dit les deux, il dit quand il se relève du ruku', il dit سمي الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد. Il dit les deux. Tandis que la personne qui est derrière et qui se relève, elle ne dit que Rabbana wa lakal hamd. Donc ça, c'est un argument de plus pour clarifier que l'imam, il doit dire les deux. Donc ça, c'est qu'est-ce qui a été rapporté donc au sujet de ce hadith. Et ça, c'est une preuve claire contre les adorateurs des tombes et contre les gens qui appelle au shirk aujourd'hui et qui appelle à adorer les morts. On va s'arrêter ici, puis je vois qu'il y a des problèmes de son là. Allahumusta'an. Donc, de toute façon, Inch'Allah, on s'arrête donc à ce hadith-là qu'on a lu, le hadith d'Ibn Omar. Et Inch'Allah, on continuera la suite des explications de ce chapitre au prochain cours, Inch'Allah, qui sera le dimanche, hein, comme on a expliqué, dimanche et lundi, la semaine prochaine. Donc, on va commencer la semaine prochaine avec le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu. Donc, Inch'Allah, ça c'est le prochain cours. En fait, on aurait peut-être pu le compléter aujourd'hui, puis commencer le chapitre suivant la semaine prochaine, mais bon. Puisque on a déjà presque fait une heure, donc c'est mieux de s'arrêter tout de suite, Inch'Allah. Comme ça, on commence la semaine prochaine. On dépasse pas le temps, Inch'Allah. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer de faire le cours à l'heure, puisque là, je suis encore dans le décalage horaire. J'ai pas encore repris mon horaire normal de sommeil. Je suis un petit peu décalé, Anis, subhanallah. Je dors pas aux heures normales parce que je suis encore avec l'horaire de France. Donc, Inch'Allah, ça devrait rentrer dans l'ordre pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.